Prêt pour un peu de nouveauté, c'est la chance au coureur. Bonjour et bienvenue à La Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à Sifflet 89.1 FM. Cette semaine, mon nom est Mathieu Plante, avec vous pour 3 heures de ces nouveautés qui devraient très bien vous intéresser aujourd'hui. La première heure est comme toujours francophone, on va entendre entre autres la formation La Révolte du 011 du Damien, un nouvel album de Pépé, hein Pépé, mais on commence par Garbanzo. Leur premier album s'appelle L'éléphant phare et voici une pièce de leur part. Tout est à la chance au coureur. We'll be right back. De la cave au grenier, tu t'es laissé habiter, et tes pieds enracinés donnent naissance à la faune d'un jardin. Tu t'es tari. Il ne reste que la paille dont tu es l'épouvantail et tu bailles au corbeau. Il ne reste que la paille dont tu es l'épouvantail et tu bailles au corbeau. Il ne reste que la paille dont tu es l'épouvantail et tu bailles au corbeau. Il ne reste que la paille dont tu es l'épouvantail et tu bailles au corbeau. Il ne reste que la paille dont tu es l'épouvantail et tu bailles au corbeau. Il ne reste que la paille dont tu es l'épouvantail et tu bailles au corbeau. Dont tu es l'épouvantail et tu bailles au corbeau. Il ne reste que les pailles dont tu es l'épouvantail et tu bailles au corbeau. Garbanzo, à la chance au coureur. On vient d'entendre deux pièces de leur part, on s'en va en entendre une troisième, mais parlons d'eux un peu avant. Garbanzo lance son premier album, attendu par les mélomanes, l'album L'éléphant phare, ou plutôt Éléphant phare, voilà, tout seul. Elle nous fait découvrir une bande de jeunes artistes prêts à redorer le blason de la chanson francophone. Évidemment, c'est un communiqué envoyé par le groupe lui-même. Généralement qualifiée de world trad, la musique de l'ensemble se distingue par des textures organiques, des grooves accrocheurs et des atmosphères bien rendues. On passe à travers leurs mélodies par des ambiances troubadouresques, des paysages gitans, des swings et des reggae aux accents jazz. L'instrumentation atypique du groupe est servie par des musiciens au sens de la composition bien affûtée, nous offrant des montées grandioses et des orchestrations rendant justice au texte. Sur cette musique métissée se couche la plume de Benoît Archambault. Sa poésie sensible et humaine révèle un parolier d'une rare qualité. Ses appels au rêve et à l'imaginaire posés entre cynisme et réalité crue, entre espoir et désenchantement, nous portent à réfléchir sur notre quotidien de façon incisive et souvent désarmante. La force de ses images et la douceur de sa griffe viendront volontiers vous soutirer un sourire conquis. L'album Éléphant phare va être lancé le lundi 30 avril à l'espace Del Arte sur Jean Talon Est lors de 5 à 7. Garbanzo et ses invités vous offriront gratuitement quelques pièces de l'album, une collation et un cocktail. C'est beau, hein? Allez voir garbanzo.biz, garbanzo.biz ou encore myspace.com/garbanzo-music. Les membres sont Benoît Archambault, Martin Audi, Marie-Noëlle Choquette, Véronique Boucher, Philippe Latour et Amélie Poirier, avec plusieurs musiciens invités sur l'album qui s'appelle L'éléphant phare. Voilà. Donc, on va entendre une troisième pièce. Malheureusement, ils ne nous ont pas envoyé le nom des pièces, mais quand même une troisième pièce de Garbanzo. C'est tout de suite. À la chance, au coureur. Je portais des gants blancs. Tous les dimanches, j'allais au bal. On se moquait de ma gueule. Comment vivre dans cet état? Personne ne veut de moi. Mais dans ma tête, je joue le hautbois. Et je remplis la vide, je comble les trous, je fais semblant d'être confiant. J'attends le moment, discrètement. Je suis le seul à savoir que mon sort est de vivre seul. Maladie ou destin, n'en sais rien. nuit, quand je rêve de sombres visions, mon corps devient froid et la sueur couvre mes draps. Et la sueur couvre mes draps. Des monstres en écailles de bois me dévorent et me crachent en se flattant l'estomac. Et dans ma tête joue le hautbois. D'insomnie en prière, des nuits de misère, à croire que mes mots desserreront leur étau. Mais le temps ne fait qu'aggraver mes tourments. Ne reste plus qu'une avenue, mon âme comme tombée des nues. Je l'offre tout pénitent au diable, à Satan. On passe de Garbanzo à La Révolte. Voici Sans piège à la chance au coureur. Animal. C'est bien, c'est mal, ça m'enracine toutes nos questions. La peur devient une ambition, puis on s'invente des obsessions. De peur de trouver le temps long, de peur de trouver le temps long. Depuis l'on devient de bons amants, pour nous l'amour c'est faire semblant. Comme le moral nourri par les veines, on se force à croire qu'on mange vraiment. On a perdu le goût du vrai. On a perdu le goût du vin. Soudain devient cette envie de vivre. Elle se transforme en colère qui défournit dans le cœur. La liberté qu'on a tant chantée, goutte à goutte, s'est évaporée. Il reste un goût amer et salé. Il reste un goût amer et salé. La sécurité est un grand piège où l'on s'enferme volontiers. Plus de courage pour les grandes passions. Mettre à l'épreuve les plus belles folies. Le cœur est mort, brûlé par le sel. Le cœur est mort, brûlé par le sel. Cette envie de vivre, elle se transforme en colère. J'ai des fourmis dans le cœur. J'ai des fourmis dans le cœur. Si je reste là, je meurs. Je ne pourrai plus jamais. Bien vieillir, on voit la somme de toutes nos peurs. Sur des coussins brodés de pension, comme le mendiant voulant sa pitance. Vivre de trop, ça devient trop peu. Vivre de trop, ça devient trop peu. mes larmes, c'est comme la mer, c'est salé. Vaut mieux les rendre que les avaler si l'on ne veut finir noyé. C'est fou, 89.1 FM. Dans lequel retour à la chanson coureur, on parle de la révolte et on écoute un peu de 011 à C'est fou 89.1 FM. Tout de suite à la chanson coureur, voici le premier extrait de l'album Plaisir Digital de 011, ça s'appelle Clark et Park. Et Parc, la nouvelle pièce de 011 à la chance au coureur. Mais avant de parler de 011, je vous ai promis tantôt que je vous parlerai de La Révolte qu'on a entendu juste avant. La Révolte est un groupe de folk rock de Montréal, larévolte.ca, mais sans le E, larévolte.ca. Les membres sont Michel Assir à la voix, la guitare et la mandoline, ainsi que l'harmonica, Kim Bergeron à la voix, la flûte, le saxophone et le clavier, ainsi que Martin Charrette à la voix et la guitare. Ils vont être en spectacle à Trois-Rivières le 27 mai prochain à 20h au Petit Pub. Ils vont être aussi à Montréal, à Blainville, à Saint-Placide, l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery et Chipagan au Nouveau-Brunswick. Vous pouvez aller voir le myspace.com/larévolte. Pour toutes les informations là-dessus. Il y a aussi une petite biographie sur eux. Lisons-la un peu. Une révolte subtilement martelée. Rassembleur festif et authentique, c'est dans le cadre de divers festivals que le groupe La Révolte, formé par un sage fou des îles de la Madeleine, une multi-instrumentiste accomplie et un maître des cordes aux doigts funky, fait d'abord entendre ses voix. Refusant de se conformer aux normes préétablies sur les planches de la jeune formation, instaure son univers si caractéristique, sa révolte qui, loin d'être brutale, s'avère plutôt douce et subtilement martelée, avec les mots pour le dire et les instruments pour la jouer. Parfois, la mélodie est si intense que le spectateur est figé, la musique étant devenue une tendre émotion qui s'infiltre à l'intérieur de chacun. On retient son souffle pour la savourer, elle ne fait pas de ravages, au contraire, elle réveille la beauté et la bonté. Et ça, c'est un poème musical, selon eux. Charmé par des textes sentis, des airs frais et familiers et un charisme certain, le public est de la partie. Wow! Que c'est bien écrit. myspace.com/larévolte ou larévolte.ca. On a entendu deux pièces, deux, Sans piège et Chevalier Miguel de leur plus récent album qui, ma foi, s'appelle Les heures marchandes. Ensuite, on a entendu du 011. Hein? Vous l'avez aimé, cette pièce-là, donc parlons un petit peu de 011. C'est la chanson Clark et Park, premier extrait francophone de leur album Plaisir Digital. Depuis sa formation en 2006, 011 a remporté le prix Electro du Gala des Mimes et a participé à Christiane Charrette à la radio. 0 à 1, trio binaire associant arpège électronique, mélodie pop et animation vidéo dans le but d'amener son public à repousser les limites esthétiquement acceptables de la danse. 0 à 1 est formé de Éric Trottier, de Jean-François Thibault et de Julie Morin-Ferron. Leur site web est au myspace.com/pop011, POP011 en chiffres. Vous pouvez aussi voir leur vidéoclip sur YouTube en tapant 011. Ils vont être en spectacle du 26 au 29 juillet 2007 à Shawinigan, au Festival des arts de la rue de Shawinigan. Ils étaient de passage à Trois-Rivières, si vous y étiez, bravo. C'était au Café Nord-Ouest le 18 février dernier avec les Georges Leningrad. Ils ont passé, comme j'ai dit, à Christiane Charrette et à Baromètre au Canal Vox à Montréal. Voilà pour 011. Maintenant, on passe à un album que, dans le fond, je pourrais bien être malhonnête et vous dire que j'avais hâte de le recevoir. Je ne m'attendais pas à le recevoir, en fait. C'est la vérité. Pépé, de Pépé et sa guitare. Vous le connaissez peut-être parce qu'il joue assez fou depuis des mois. Il était sur nos palmarès plusieurs fois. Son nouvel album s'appelle 100% Bœuf. Et on va l'entendre, la première pièce qui s'appelle « Botte-toi le cul », hein? Et ce n'est qu'une citation du nom de la pièce. Belle tranche de steak ou de viande quelconque avec la face de Pépé dedans. Peut-être qu'on pourrait vendre ça sur eBay, à une tranche de steak avec Pépé dessus, ce serait beau. Et la pochette est très très belle, donc c'est ça, de la viande à l'avant et à l'arrière une facture d'épicerie qui vous dit chaque pièce et ensuite le total en termes de minutes. C'est tellement beau. Voici tout de suite Pépé de son album 100% Bœuf, la pièce « Botte-toi le cul », à la chance. Au courage. Mes parents voulaient pas m'amener. feuilles de cigare sont frustrées. Pour m'arranger, pour faire emprisonner. Bœuf et le nouvel album, c'est en magasin right now. Vous venez d'entendre La Chance au coureur, une autre pièce de Pépé, c'est-à-dire Poney. Justement, c'était Bat-toi le cul, les deux premières pièces de l'album. On s'en va entendre tantôt la pièce Niaiserie, parce que ça m'attire comme titre, c'est le même. Moi, j'aime ça, Niaiserie. Pépé, donc, il y a un MySpace, un genre de fan site, si on veut, au bar oblique Pépé et sa guitare. Sinon, son site web est au pépésaguitare.com, mais présentement, on voit seulement une tête de Pépé. Pas rasé, en train de faire des drôles de conneries et se dire revenez bientôt. Donc j'espère pouvoir voir ce site plus tard, mais on a quand même reçu quelques petites informations de la part de Pépé. 100% Bœuf, son nouvel album en magasin le 24 avril. Lancement à Québec, c'était le 23 et le 24 à Montréal. Pépé est de retour avec son troisième album 100% Bœuf, rien de moins qu'un régime protéiné qui ne laisse personne sur sa faim. 100% Bœuf propose 18 nouvelles pièces, autant de chansons bombes, courtes et percutantes qui dépeignent l'univers unique et loufoque de l'attachant personnage bien viandeux. Pépé continue de mordre dans la chanson avec appétit et bonne humeur, toujours aussi amusant, cocasse et rigolo. Ses textes drus et poétiques donnent bonne mine. C'est de la vitamine. Célébrons la venue de ce nouvel album 100% Pépé, 100% pur bœuf. Il va être en spectacle au National le 19 mai à 20h. Les billets sont en vente maintenant sur lenational.ca. ou admission.com, je crois que c'est plus admission.com. Il va être aussi en spectacle à Gatineau, Abitibi, Montréal, Trois-Pistoles, Victoriaville, Mont-Laurier, Saint-Hyacinthe, Montmagny, le Festival d'été de Québec, Lens-Saint-Jean, Saint-Félicien et Loretteville, partout sauf Trois-Rivières, si on veut. Donc, encore une fois, pépésaguitare.com ou latribu.ca. On va entendre une troisième pièce. Elle s'appelle Niaiserie et la voici tout de suite qui commence à La Chance au Coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés reçues à C'est Fou cette semaine au 89.1 FM. La station que vous adorez parce qu'elle passe la musique que vous aimez, dont du pépé. C'est-tu pas beau ça? Aujourd'hui, ça me tente de dire des niaiseries. Tout seul avec mon youku sur la galerie. Je me sens un peu con sur le coup, mais je souris. Parce que je me suis trouvé une mélodie. Ben dire comme niaiserie, je sais pas. Des fois, je dis tout haut ce que le monde pense tout bas. Ça arrive tout seul d'habitude, mais là, ce que je le dis, mais dans le fond, peut-être ça se dit pas. Voyons, Pep, tu fais pas de la pop. T'as pas besoin d'un microscope. Allume pis fume ton télescope. Assume l'écume, c'est pas trop propre. Pas de stress, desserre-toi les fesses. Bon, qu'est-ce que j'ai dit? Pas encore un autre avec son album 100% en bœuf et la pièce Niaiserie, mon premier finaliste pour le coureur de la semaine d'ici à la fin de l'émission à La Chance au Coureur. Maintenant, on change complètement de style avec du rap un peu. Voici Damien featuring Dupuis avec Je veux pas travailler à La Chance au Coureur. C'est là que je lâche la mop, que je lâche la run, c'est là que je lâche ma job. Mon emploi se corse, il faut que je claque la porte même si ça choque ma boss. C'est là que je lâche la mop, que je lâche la run, c'est là que je lâche ma job. Faut que je me consacre à l'écriture. Y'a quelque chose à faire avec ces textes-là, ça j'en suis sûr. On a juste une vie à vivre, moi je me mets vis-à-vis pour voir qui rivalise. Avec l'expérience que j'ai amassée, je vous annonce que c'est à partir d'aujourd'hui que je vais avancer mes projets. Mais j'arrête de dire qu'ils sont pas prêts. Réussir dans la musique à temps partiel, ça c'est pas vrai. Pourquoi je travaillerais pour toi? Tu te promènes en BM pendant quoi je vais lever sous noir. C'est sûrement pas en te léchant le cul que je vais voir ta plage. Je vais voir la face que tu vas faire parce que c'est là que je m'arrache. C'est quand même 5 minutes de notice. Oh puis tiens, je laisse mon sarreau puis mes bottines. J'ai pas bossé, bossé, mais y'a rien qui va. Il n'a peine que je me démets de façon admirable. Moi, je veux plus travailler comme ça. J'ai pas bossé, bossé, mais y'a rien qui va. C'est là que je lâche la mort, que je lâche la robe. C'est là que je lâche ma job. Je vais enfin faire ce que j'aime. En tout cas, je m'ennuierai pas du chiffre de fin de semaine. C'est pour moi que je vais faire les efforts. Pas pour un gars que je connais pas qui peut aussi bien pisser dehors. Aucune sécurité d'emploi. Je connais personne autour qui a fait plus de 2 ans au même endroit. Pourquoi je travaillerais pour toi? Tu te balades en escalade pendant que pour moi c'est l'esclavage. Je suis capable de mettre chemise, cravate, détempé d'échec. Check mon bain, je vais faire un ravage. Pour ton salaire minimum, non mon homme, moi aussi je veux mon condo minimum. J'ai pas bossé, bossé, mais y'a rien qui va. les principes que j'insiste. Ce qui coïncide m'incite à faire ce qui m'inspire. Je veux m'instruire, le temps perdu fait rien que nuire. Et l'amertume peut faire bien pire. J'ai changé des choses, pas besoin de boss. Check la discipline que je m'impose. J'ai gain de cause sur plein de clauses. J'ai pas bossé, bossé, mais y'a rien qui va. La peine que je me démène de façon admirable. Oh, je vais plus travailler comme ça. J'ai pas bossé, bossé, mais y'a rien qui m'a. Je vais plus travailler. C'est là que je lâche la mort, que je lâche la run. C'est là que je lâche ma job. Mon emploi se corse, faut que je claque la porte, même si ça choque ma boss. Monter, j'suis plus capable. Quel beau résumé de votre fin de session. Je veux plus travailler de Damien. Premier extrait de son nouvel album. Voilà que revient Damien avec un deuxième album plus que jamais qui va être lancé le 15 mai. Mais pour l'instant, on vient d'entendre le single « Je veux plus travailler », un duo avec Dupuis. « Je veux plus travailler » décrit la réflexion que Damien a eue le jour où il a quitté son emploi pour se consacrer à sa passion. De plus, le vidéoclip « Je veux plus travailler » tourne à Musique Plus depuis quelques semaines et l'enregistrement de l'album a débuté en juillet 2006. Donc, entouré de Pascal Desjardins, DJ Blast, Dupuis, Papaz ainsi que de musiciens avec qui il travaille depuis 2 ans, Damien a poursuivi sa démarche. Il nous revient plus mature, plus expérimenté et plus fort que jamais. Il nous transporte de nouveau au travers d'un amalgame de styles et ont tous en commun sa poésie rap. Évidemment, le texte vient de l'artiste lui-même, il faut toujours le rappeler. En attendant la sortie de ce nouvel album, écoutez l'extrait qui rappelle que dans la vie, il faut toujours suivre son cœur. C'est tellement tout le temps bien écrit, ces affaires-là. Damien, donc, l'album futur qui s'en vient de sa part. Il reste quelques minutes à cette première heure à la chanson coureur. On va terminer ça avec une pièce ou deux comme ça d'une compilation Music Sampler de Putumayo. Vous connaissez peut-être Putumayo si vous êtes un fanatique de la chanson coureur. On reçoit souvent des albums de leur part. Ils viennent de nous envoyer Putumayo Grooves Music Sampler. C'est une compilation, si on veut, d'électronica, de dance, de différents albums de Putumayo, dont North African Groove, Turkish Groove, Latin Groove, Brazilian Groove, African Groove, World, Asian et Arabic Groove. Je me suis dit, pour faire un petit peu été comme ça dans vos cœurs, on va entendre une pièce de Latin Groove, leur compilation de Putumayo. C'est El Conjunto Masalia Chan Chan. Et c'est ce qui va terminer cette première heure à la chance. Vous pourrez rester avec nous, on a de l'anglophone, dont TV on the radio. Dans la deuxième heure, ça va être génial. Eh, caramba! Llego a Puerto, voy pa' Mayarín. So good, yeah. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a Puerto, voy pa' Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a Puerto, voy pa' Mayarín. Sale la vueltita, yo no lo puedo evitar. De Alto Cedro voy para Macané, no. Llego a Puerto, voy pa' Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto, voy pa' Mayarín. Ahora, cuando Juanita y Chan Chan en el mar se añan arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. De Alto Cedro voy para Macané, yeah. Llego a Puerto, voy pa' Mayarín. Qué pena le he dado. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto, voy pa' Mayarín. pero y así no puedo llegar. Tanto se lo voy para Macané, llego a Puerto, voy pa' Mayarín. No puedo. Tanto se lo voy para Macané, llego a Puerto, voy pa' Mayarín. Y con mucho cariño, Pamayari. Ahora yo me encuentro bien con este ritmo. Pamayari. Te va Pamayari, te va Pamayari, te va Pamayari, Pamayari. Llegué yo al puerto, pero me voy para París. Tanto cedro voy para Macané, llego al puerto, voy para Pamayari. Bienvenue dans la deuxième heure de la chanson coureur. On continue avec un bloc alternatif anglophone, la formation TV on the Radio. Voici Was a Lover, la chanson coureur. Like to party, and we can be live. On the radio avec leur album Return to Cookie Mountain. La pièce Province, et juste avant c'était I Was a Lover à la chance au coureur. On va entendre une troisième pièce dans quelques secondes, mais avant parlons de TV on the Radio, leur album encore une fois Return to Cookie Mountain. C'est une formation de indie rock alternatif des États-Unis. Ils sont au tvontheradio.com ou encore myspace.com/tvotr. C'est pour ça que c'est un petit peu plus difficile à trouver sur MySpace. Cherchez-le pas, tapez-le à la place tvotr. Et puis, tiens, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi des informations sur leur spectacle. Il y a des chansons à l'écouter, dont Province, Wolf Like Me, Staring at the Sun et Dry Drunk Emperor. Et voilà qui fait le tour à peu près. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations sur le MySpace, c'est dommage. On va entendre une dernière pièce, une troisième Wolf Like Me tout de suite. À la chance, au coureur. Hands on me. MTV on the radio à la chance au coureur avec la pièce Wolf Like Me, dernier extrait de leur album le plus récent, Return to Cookie Mountain, à C'est Fou 89.1 FM. Écoutez l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est Fou pendant la semaine. Et parlons un petit peu de TV on the radio, maintenant que j'ai été faire quelques recherches pour trouver des informations pour vous. C'était pas assez tantôt, je pense. TV on the radio, c'est un band avant-garde indie rock de New York formé en 2001. Leur musique passe du jazz au a cappella, doo-wop, trip-hop et électro. Le groupe a sorti plusieurs albums, plusieurs hippies, dont leur premier Young Liars en 2003, et deux albums acclamés par la critique. En 2004, Desperate Youth, Bloodthirsty Babes et leur plus récent Return to Cookie Mountain, qui a reçu de très très bonnes critiques. Voilà, ça a atterri aussi sur plusieurs listes de best-of, selon des journalistes. TV on the radio, c'est Tunde Adebimpe à la voix et aux loops, David Andrew Sitek à la guitare, le clavier et les loops, Kip Malone à la voix, guitare et les loups, et Jaleel Bunton à la batterie, accompagné de Jared Smith à la bass, et aussi d'autres personnes, dont Katrina Ford du band Celebration, Martin Perna, au saxophone et la flûte, et plusieurs autres. Et c'est ça, le fait qui m'intéressait vraiment là-dedans, selon Wikipédia, c'est que l'icône du rock, David Bowie, considère TV on the Radio comme un de ses bands préférés. C'est lui d'ailleurs qui a fait des backing vocals sur la pièce Province qu'on a entendu tantôt de leur dernier album. Génial. Allez voir tvontheradio.com ou encore myspace.com/TVOTR. Voilà. On passe à une autre formation alternative anglophone qui se nomme Money Mark. Leur album s'appelle Brand New By Tomorrow. C'est un groupe d'alternatifs. On en parlera tantôt. Par contre, voici tout de suite la pièce Pick Up the Pieces. À la chance au coureur. la radio de la scène émergente. Cleverness. And since you've walked away, I just can't deal with this. Loneliness and emptiness, I can't fake it. I feel naked wherever I go. Money Mark avec la pièce Color of Your Blues à la chance au coureur sur CFOU 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Voilà. Donc Money Mark, parlons un petit peu de ce Money Mark. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de l'alternative de Los Angeles en Californie aux États-Unis. MoneyMark.com, Mark M-A-R-K ou MySpace.com/MoneyMark official fan site. Très très évident. Votre spectacle un petit peu partout aux États-Unis et au Royaume-Uni, à ce que je vois sur MySpace. Génial. Donc, c'est l'alias de Mark Ramos Nishita, un claviériste qui fait du funky rétro. Hein? Donc, c'est génial. Moi, j'ai bien aimé ça. L'album s'appelle Brand New by Tomorrow. On passe à un autre band alternatif dans notre lignée d'alternatifs comme ça à la chanson coureur, Mice Parade. On va entendre tout de suite la pièce de leur nouvel album. Voici Sneaky Red à la chance. Au coureur! Hush now in your head, said Sneaky Red. Can you justify breaking the silence that both of us wrapped around? Warm and covered now. In so many ways, we took the fun out of our whistling. Thank you. here. So trade the farewell for a second chance and a story to tell. Retour à la chanson coureur, une autre pièce de Mice Parade, Amandine et The Hold Steady au 89.fm. Thank you. Mice Parade avec la pièce Tales of Las Negras. À la chanson coureur de leur album éponyme, parlons un petit peu de Mice Parade. C'est un groupe d'électronica post-rock de New York qui est mené par le percussionniste Adam Pearce. Les albums de Mice Parade au début sont sortis sur l'étiquette de Pearce lui-même, Bubble Core. Mice Parade est un anagramme pour le nom de Pearce, Adam Pearce. Mice Parade, hein? Checkez-moi ça. Allez voir sur le fatrecords.cat.co.uk ou encore bubblecore.com et Mice Parade sur Wikipédia, c'est une très très belle place. Maintenant, on change de band pour Amandine. Nouvel album Solace in Sore Hands qui est sorti depuis quelques jours à peine. C'est un groupe qui vient de Malmö en Suède. Vous pouvez aller voir le amandinemusic.com. Les membres sont Olof Gidlöf, John Anderson, Andreas Edström et Andreas Bergqvist. myspace.com/amandinemusic. On parlera un petit peu d'eux tantôt. Pour l'instant, on va entendre la pièce Soldier's End de leur album Solace in Sore Hands. Voici Amandine à la chance. Au courage. Trouble's brewing on the rocks. Broken man on every flank. And all the soldiers' hands are red. From all the tears and blood that's shed. And in the morning when the reveille pulls us from our sleep. Puts a fracture in the reverie and kills our quiet dreams. Formation Amandine avec Soldier's Hands. Maintenant, on écoute la formation de Old City avec Stuck Between Stations. Mais entre-temps, entre deux tunes, Stuck Between. Je vais vous dire que la chanson coureur déménage ici à CFU 89.1 FM. La rediffusion va être maintenant le mardi et le samedi à 14h. Toujours en direct le vendredi à 10h. Voici The Old City avec leur nouvel album Boys and Girls in America et la pièce Stuck Between Stations. When I think that South Paradise was right, boys and girls in America, they're such. such a sad time together. Sucking off each other at the demonstrations, making sure they make us straight. Crushing one another with colossal expectations, depending on discipline, sleep and weight. She was a really cool kisser, and she wasn't all that strict of a Christian. She was a damn good dancer, but she wasn't all that great of a girlfriend. Your boyfriend come from the right kind of schools. pressure. You can cover yourself like a bruise. But after you get tired of your boyfriend's dance, there's always other boys, there's always other boyfriends. After you get tired of your football friends, there's always other boys, there's always other boyfriends. After you get tired of car you drive, there's always other boys, you can make them like you. After you get tired of the music you like, there's always other boys, you can make them like you. This ain't a ton of a problem until you start to do it alone. They say you don't have a problem until you stop bringing it home. They say you don't have a problem until you start sleeping alone. There's always other boys, there's always other boyfriends, there's always other boys, and you can make them like you. There's always other boys, there's always other boyfriends, there's always other boys, you can make them like you. There's always other boys. The Hold Steady avec You Can Make Him Like You à la chanson coureur. L'album s'appelle Boys and Girls in America. Très, très, très fort. C'est un autre de mes finalistes pour coureur de la semaine. The Hold Steady, c'est un groupe de rock, vous l'avez peut-être deviné, de Brooklyn aux États-Unis. Vous pouvez aller voir sur leur MySpace au / The Hold Steady pour écouter leurs pièces, dont celle qu'on a entendue, Stuck Between Stations et You Can Make Him Like You. TheHoldSteady.com est leur vrai site. Les membres sont Craig, Tad, Gallen, Bobby, Friends. Et des fois, ça arrive qu'il y a aussi Peter. Hein? Des fois. Ils vont être en spectacle à des tonnes de places. Ça commence à être populaire quand même, The Hold Steady. Donc, encore une fois, l'album s'appelle Boys and Girls in America. Maintenant, on passe à un, pas un single, mais un EP de la formation de Rips. Ça s'appelle Loco, qui inclut, selon l'étiquette sur l'album, des pièces exclusives qui ne sont pas sur leur album, dont Promises, c'est le nom de la pièce. On va entendre leur pièce Loco avant. Et si j'adore The Rips, on écoutera peut-être Promises après. Vous écoutez La Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou pendant les 7 derniers jours. C'est une belle semaine quand même. Which way? She said you look familiar, but where'd you get that? Oh, where you go when you're loco? Oh baby, please stay, 'cause I'm a little pièce Promises de The Rips et c'est la fin de la deuxième heure. On se quitte avec une troisième pièce. Voici Too Much Too Young de la formation The Rips. Hein? À la chanson coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous au 89.fm. Troisième heure de la chanson coureur commence avec Saliva et Broken Sunday. Thank you. C'est Live Aid Broken Sunday à la chance au coureur. C'est un extrait de leur futur album, je crois, parce qu'ils nous ont pas envoyé tellement d'informations là-dessus. C'est dommage quand les groupes font ça. Mais que voulez-vous, le groupe s'appelle quand même Saliva Radio Edit. Et c'est tout ce que j'ai là-dessus. Saliva.com, S-A-L-I-V-A.com. On accueille Denis Janvier qui vient nous parler d'électronique, comme toujours. Allô. Hala. Ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va. Hier, on a eu une super journée au lancement, etc. Ah, faut pas parler de trucs. Non, c'est ça, mais je vais te laisser aller quand même. C'est ça, c'était le fun. C'est plate, je trouve, une émission, tu peux pas parler de rien. C'est bien, mais c'est de même, ça se passe. En passant, pour dire aux gens à la maison qui viennent d'arriver comme ça, la session d'été commence et la chanson coureur va avoir un paquet de rediffusions pendant la semaine. En gros, on va être en direct le vendredi à 10h et en rediffusion les samedis et les mardis suivants de 14h à 17h. Si vous voulez plus d'informations, allez voir lecif.ca. Infected Mushroom. Oui, Infected Mushroom avec sa dernière sortie Vicious Delicious. Infected Mushroom, ben, c'est l'élément fort de la psytrance israélienne. C'est un mouvement qui a vraiment marché milieu 90 jusqu'à aujourd'hui, qui fonctionne encore. C'est vraiment les vieux de la vieille. Ils ont inspiré maintes et maintes bands et projets de psytrance. Et qu'est-ce qui est le fun, ou drôle, c'est que eux-mêmes, à partir de l'album BP Empire, qui est sorti peut-être en 2001-2002, ils ont commencé justement à se délaisser un peu. Ils ont toujours gardé le côté psytrance, mais ils ont commencé vraiment à explorer et à faire un genre d'électronique plus progressif, électro, de la voix, etc. Là, on entend les guitares en arrière. Mm-hmm. C'est très, très bon. Donc, on va aller écouter justement la pièce « Becoming Insane ». Je l'ai déjà fait jouer, mais je trouve qu'elle représente très bien l'album et ça donne le goût justement de découvrir le reste. J'ai pas le goût de tout faire entendre. Allez vous chercher ça, « Vicious Delicious » de Infected Mushroom. Remind me the story that I won't get insane. Infected Mushroom avec Becoming Insane, nouvel album de Vicious Delicious avec une pochette vraiment assez malsaine, je pourrais dire. Malsaine, on explique un peu, c'est une jeune fille. Un peu genre asiatique, genre de petite chinoise avec ses viscères dans les mains et du sang tout autour de la bouche. On dirait que c'est ses viscères à elle-même, ouais. Je trouve, c'est ça qui est space. En tout cas. Spécial. À découvrir Vicious Delicious d'Infected Mushroom, le tout dernier album. Il te reste un album d'électronique, on en parlera un petit peu tantôt. Ouais, que j'ai moins un peu aimé, là, avec de la voix un petit peu fatigante, là, mais des claviers intéressants. D'accord, pendant que nous, on entend Nine Inch Nails, leur album s'appelle, leur nouvel album, évidemment, Year Zero. Voici la pièce Hyper Power à la chance. Au coureur! La deuxième pièce s'appelle The Beginning of the End de Nine Inch. Ça fait mal. easier to sit and stare than push my limbs out towards you right there. My heart is bursting in your perfect eyes, as blue as oceans and as pure as sky. Struggle for the words and then give up. Patrol avec Spitting Games. Snowpatrol.net est leur site. Ça vient de leur album qui est déjà en magasin, comme ça, Snow Patrol. Hein? Quelle belle pièce d'été. J'aime ça. Et on passe à Kaiser Chiefs. Leur album s'appelle Yours Truly Angry Mob. Un album qui, on dirait, a pris un petit peu de temps à se rendre jusqu'à nous. Je sais pas si c'est le décalage horaire quelconque. Voici la pièce de Angry Mob. Tout de suite, à la chance! Au coureur. Ouais! Il reste environ un petit 25 minutes ensemble comme ça de bonne musique. On va entendre tantôt Miss of the Near Future. Là, I'm Kaiser Chiefs avec The Angry Mob de l'album Yours Truly, Angry Mob. Hey Mathieu, j'ai trouvé à quoi ça ressemblait. Une track qui est avec de Pink Floyd au début, avant qu'ils se mettent à faire des tunes bien longues. Ils faisaient des tunes très pop de 3 minutes. Il y a une tune, Point Me at the Sky, c'est vraiment les mêmes airs, les mêmes harmonies vocales. Ça me trottait dans la tête. Là. C'est vraiment. C'est bon, c'est accrocheur, mais bon, ça ressemble à plein de trucs. Ben oui, hein. Oui. Sais-tu ce qui ressemble pas à plein de trucs, apparemment? Il paraît, on va voir. C'est moi, ça. Je vais me faire une idée. Hein. C'est ça. La formation s'appelle The Klaxons. Leur album s'appelle Myths of the Near Future. On va l'entendre tout de suite, la pièce Golden Scans, et on en parle après à la chambre. Oh, cool. The Klaxons avec la pièce Golden Scans à la chanson coureur. Leur album s'appelle Myths of the Near Future et voilà. J'ai oublié complètement d'aller chercher des infos là-dessus. Danny. Oui. Chromo Trash, évidemment. Oui, Chromeo avec Fancy Footwork. Je vous décris un peu la pochette. Un genre de geek qui joue du clavier avec un genre de rapper latino qui joue du clavier aussi. Mais le pied à clavier, c'est deux jambes de femme avec des talons hauts. Et on voit que c'est des vieux synthétiseurs. Donc, le son, c'est ça. C'est des bons synthétiseurs, des bons claviers vraiment vintage, là, vraiment années 70, 80, qui sonnent très bien. La production est très bonne, mais par contre, la voix me dérange à plusieurs endroits. Mais en tout cas, faites-vous une idée, c'est Chromeo et la pièce, c'est Tenderoni. La chanson coureur. Gangsta. We'll be right back. Tenderoni, justement. Chromeo. Et je réitère. Non, c'est pas vrai. Je me corrige plutôt. Finalement, j'ai bien cette pièce-là. Oui. Il me semble que les autres pièces étaient pas mal plus fatigantes. Mais en tout cas, c'est à découvrir Tenderoni du projet Chromeo. Génial. Tantôt, on avait entendu un petit peu de Klaxons et j'avais pas d'informations. Maintenant, j'en ai. C'est un groupe du Royaume-Uni, comme ça, The Klaxons. Vous pouvez aller voir le myspace.com/klaxons ou klaxons.net, K-L-A-X-O-N-S. Les membres sont Jamie Reynolds, James Wrighton, Data Reentry et Stephen Alperin. Vous pouvez aller voir leur spectacle. Ils vont être partout au Royaume-Uni. Je regarde ça, là. En Autriche aussi, quand même. Et leur album, encore une fois, Myths of the Near Future. OK, j'admets, c'était pas tellement plus d'infos, mais quand même. Notre coureur de la semaine cette semaine, Dani. Oh, est-ce que c'est toi qui le déclare, c'est toi? Non, vas-y, prends l'honneur. Donc, Pépé, avec son album 100% bœuf. Et on va aller entendre la pièce La Solution de cet album-là pour clore notre émission en beauté. Une pochette délicieuse en passant. Remplie de viande. Ouais, hein? Puis c'est écœurant le listing des pièces comme, en arrière. Ouais, c'est comme une facture. Avec le total en bas qui est le c'est temps. C'est vraiment fort. La Solution de Pépé, ça suit tout de suite. À la chance. Au coureur. Demande-moi pas la solution, t'as trouveras pas dans ma chanson. Si tu penses ça, c'est une illusion, si tu ne crois pas, t'es un peu con. Comme une berceuse qui nous endort, un bon beat qui nous rentre dans le corps, qui nous fait accepter notre sort, pour que le système nous fourre encore. Tout est pas de mes bonnes intentions, quand je parle, je fais pas trop attention. Des tunes engagées, je trouve ça bien bon, même que j'en fais à ma façon. Je vais t'en faire une tune qui explose, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. On va l'avoir, la vie en rose, pis la vie là, moi, ma bonne cause. Ouais, qui nous endort, un bon beat qui nous rentre dans le corps, qui nous fait accepter notre sort, pour que le système nous fourre encore. Demande-moi pas la solution, je te sauverai pas avec une chanson. Des tunes engagées, moi j'aime bien ça, j'essaie de t'en faire une brette là. Trompez-vous pas, je suis plein d'espoir, je veux juste pas vous conter d'histoire, sauf si c'est pour vous faire rire. Dans ce cas-là, ça me fera plaisir, ouais. Trompez-vous pas, je suis plein d'espoir, je veux juste pas vous conter d'histoire, sauf si c'est pour vous faire rire. Dans ce cas-là, ça me fera plaisir. Ouais. Pépé, la solution de l'album 100% bœuf, c'est notre coureur de la semaine pour cette semaine à la chance au coureur. Dany Janvier, merci d'avoir été là. Merci Mathieu. Et à la semaine prochaine. Ben oui. Maintenant, on te retrouve en exclusivité à la chance au coureur les vendredis à 10h. Exactement, je consacre toute ma semaine pour ça, pour ma prestation d'une heure. Ouais. Ben, je remercie tout le monde qui a participé à cette session d'hiver de la chance au coureur. Évidemment, Anaël, Uyez. Ah, on va te revoir à l'automne, j'en suis sûr. Et tous les autres, je vous remercie, bien sûr. Alain Lefebvre suit avec Rock Classique à partir de 13h. Hein? Et puis, ben, nous, on se quitte. On se retrouve aussi à La Connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo, les jeudis à midi. Et un paquet d'autres diffusions. Même chose pour les palmarès C'est fou les vendredis soirs à 17h. Pour connaître les heures de diffusion, allez voir le www.cfou.ca. Et pour les liens de l'émission d'aujourd'hui, allez voir le www.unechance.com. La part de Dany Janvier, moi-même Mathieu Plante et toute l'équipe fictive de la chance au coureur. Faites attention à vos genoux, bonne journée et bonne chance!